sais. Il y a de cela 1989 années. En l'an 3 avant Jésus-Christ. D'un autre calendrier, 1992 années. Dans cette période de l'évolution de l'humanité, différents égrégores théologiques exprimés dans les gouvernements par des formes théocratiques, se luttaient le monopole de la gestion de la nourriture astrale, c'est-à-dire de la gestion des nourrisseurs astrales, donc de la gestion des hommes. Descendants de la race atlantéenne, conduite par Ram, les Aryens avaient conquis l'Inde, sur le bord du Gange, surtout. Ces peuplades étant des êtres relativement yin au niveau de l'énergie vitale, ils se regroupaient continuellement sur le bord des rivières, des fleuves, plutôt que sur le bord de la mer. La migration des peuples aryens vers l'est a permis la conquête de derniers, disons, des descendants des vestiges de la race lémurienne et de la race atlantéenne mineure. Et la race aryenne s'est mélangée en Égypte, ou si vous préférez en Afrique, pour établir là les bastions d'une autre sous-race, de notre race blanche. Pendant quelques mille ans, ces êtres humains ont vécu en relation avec des énergies grégoriennes puissantes, des énergies qui étaient poly et grégorisées, on connaît cela sous le nom de polythéisme, et ils ont vécu manipulés par quelques contingents melchisédiens, c'est-à-dire quelques formes énergétiques personnifiées par l'énergie vitale de la race égyptienne, entre autres. Cela permettait à ces catalyseurs d'évolution, ou Melchisedec, de pouvoir entrer en contact avec les races de l'Afrique, surtout celles qui s'étaient établies sur le bord du Nil, et de pouvoir, par le biais de ces êtres humains, transformer lentement la génétique de cette race pour faire en sorte que, de l'évolution aryenne, l'humanité puisse poursuivre son évolution au niveau de l'Égypte. Lorsque lentement la troisième sous-race devait naître, l'Égypte commença à perdre de ce pouvoir de contrôle qui leur était donné par les forces melchisédiennes, les catalyseurs d'évolution. Et lentement vers le nord, vers l'ouest, une autre race commença à naître, un peu plus puissante que celle de l'Égypte, beaucoup plus puissante que celle de l'Inde. Au fur et à mesure du cheminement de ces différentes races qui ont colonisé différentes régions de notre Terre, régions qu'ils ont baptisées selon la vibration même de la tellurie de la place, ils ont baptisé Grèce, Rome, Mésopotamie, etc., etc. De l'Égypte naît tout ce qui, par la suite, va découler en religion juive, en religion pharisienne, sadducéenne, grecque, romaine, égyptienne. Et on va même, par l'intermédiaire de la Grèce, arriver à colorer l'Inde. pyramides d'Égypte, centré au niveau du Sphinx, va naître une hiérarchie scolastique qui va permettre à l'humanité de pouvoir suivre un bond mathématique en avant. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'évolution de l'humanité, une relation entre la théologie intuitive et le cartésianisme intellectuel va être accomplie par l'intermédiaire de certains prêtres égyptiens. Et de là va naître une communauté particulière, une communauté d'initiés, qui, pour essayer de réfléchir et de rayonner le maximum d'énergie et connaissances à l'extérieur d'eux, vont porter des vêtements blancs. Cette communauté va prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'évolution de l'Égypte et va devenir l'une des grandes sociétés secrètes de l'Égypte. Elle portera le nom antique de Fraternité Blanche. Cette Fraternité Blanche de l'Antiquité n'a strictement rien à voir avec la Fraternité Blanche universelle que nous connaissons aujourd'hui. Les deux ne sont ni mauvaises ni bonnes. Je dis cela simplement pour qu'on ne mélange pas les noms. Soyez attentifs à ce que je dis parce que ça va expliquer des choses qui vont pouvoir vous permettre de comprendre une mécanicité d'évolution qui vous touche aujourd'hui de près. Et qui vous touche même de très près et qui va vous toucher de plus en plus près. La Fraternité Blanche va se scinder en différentes communautés. Les Esséniens, entre autres, qui ont écrit la première, le premier Nouveau Testament ou l'une des premières Bibles de la région mésopotamienne, donc l'un des premiers livres sacrés, qui a été retrouvé près de la mer Morte à un moment donné et qui a été publié sous le nom des Écrits des Esséniens. Les Esséniens entrevoyaient un plan, le plan des Esséniens. À l'intérieur du plan des Esséniens était inclus le prieuré de Sion. À l'intérieur du plan des Esséniens était inclus le roi des Juifs. À l'intérieur du plan des Esséniens était inclus la Bible catholique romaine. À l'intérieur du plan des Esséniens étaient inclus certaines formes d'apparitions, dont Fatima. À l'intérieur du plan des Esséniens était inclus la fin ou la transmutation de différentes religions dans un temps relativement actuel. Les Esséniens avaient une force formidable. La première force qu'ils avaient, c'est qu'ils possédaient le Verbe. Alors, ils ont aidé les pharaons à construire certaines de leurs tombes. Ils ont aidé Salomon à construire sa ville. Et ils ont induit la majorité des traditions que nous retrouvons vers l'an zéro. Toutes les prophéties connues alors étaient des prophéties esséniennes. L'Ancien Testament est un livre écrit en Égypte pour la majorité et il est d'origine essénienne. Les prophètes esséniens avaient suffisamment de mathématiques intelligentes, donc ils avaient une forme de prescience. Premièrement, ils escomptaient énormément sur le fait qu'une femme intelligente, accouplée à un homme intelligent, donne la naissance à un enfant super intelligent. Ne connaissant pas toute la mécanique de la génétique comme nous la connaissons aujourd'hui, ils en avaient néanmoins la compréhension intuitive. Les prophètes esséniens inventaient des prophéties qu'ils distribuaient dans le peuple. Et ces prophètes esséniens savaient qu'un jour, eux étaient pour se servir de ces prophéties afin de les accomplir. Cela veut dire que la majorité de tout ce qui a été prophétisé à l'époque avant cette époque, l'an 0, pour être précis, l'an moins 3, jusqu'aux prophéties d'aujourd'hui. Ce sont des prophéties qui ont été lancées par des organisations des plans de l'astral, ou encore une fois, des plans de l'astral supramental, et quelquefois, carrément, des plans d'intelligence. Non pas pour dire à l'homme que ces choses vont arriver inconditionnellement, mais pour préparer simplement l'homme à laisser un chemin vide de façon à ce qu'on puisse se servir de la prophétie pour pouvoir être camouflé sous cette prophétie. Lorsque les Esséniens, quelques mille ans avant, ont pensé qu'il serait génial un jour d'avoir un roi parmi une race en train de naître, les Juifs, alors ils ont lancé les prophéties du Messie qu'ils ont écrites dans leur livre, le livre qui est l'Ancien Testament, écrit par les Esséniens. Lorsque mille ans après, on lisait encore ces prophéties, tous les peuples attendaient un Messie. Il y a suffisamment de conditions mécaniques à l'échelle de notre planète pour que n'importe quelle prophétie puisse être supportée par l'apparente mécanicité des astres, des conditions climatologiques, des conditions épidémiques. Cela veut dire que lorsque moi je prophétise quelque chose, je dis par exemple, lorsqu'un jour une étoile semblera tomber sur la Terre, viendra telle chose. Il y a suffisamment de météorites pour qu'à un moment donné, si une chose tente de ressembler à ce que j'ai prédit, arrive, qu'on puisse de toute façon trouver les signes que j'ai annoncés. C'est mathématique. Les lois de la probabilité sont suffisamment restreintes pour que, à coup sûr, ça ait un résultat. On peut aussi parler d'un bonhomme qui, un jour, a hypnotisé des individus, un individu entre autres. Et cet individu, suffisamment bien hypnotisé, lorsqu'il est mort, a été réincarné avec ce schéma astral mémoriel dans la tête d'un bonhomme. Et à un moment donné, c'était inévitable qu'à une date, à une heure précise, que ce gars s'en ait quelque part, déterre une tombe dans le but de boire dans le crâne de celui qui est enterré, et effectivement révèle une plaque d'or sur laquelle était gravé « Maudit soient les profanateurs de ma tombe en ce » et la date est inscrite. Je parle de Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Il a prophétisé l'heure et la date précise du jour où on violerait sa tombe. Et il avait organisé aussi un humain pour que celui-ci viole sa tombe à cette date et à cette heure. De façon à renforcer les prophéties dans la tête des gens. Alors ce roi des Juifs est prévu. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une extension spéculative du monde des affaires de la secte essénienne. On a décidé qu'un roi des Juifs naîtrait. On n'a pas pris, on a décidé. Lorsque, en l'an moins 3, dans l'après-été, dans une secte qui est accolée à la secte essénienne, mais qui porte le nom de Nazaréenne, seul secte qui permet aux femmes d'en faire partie dans le but de l'accouplement génétique, va naître un enfant. Cet enfant n'est pas christique. Cet enfant est simplement le résultat d'une fécondation énergétique qui est créée par et qui a été dynamisée par les thérapeutes, une secte essénienne grecque, qui avait le privilège et la faculté d'avoir développé le don de guérison, c'est-à-dire que les thérapeutes grecs étaient ce qu'il y avait de plus, disons, intéressant au niveau médical à l'époque, pour la simple raison qu'avec leurs mains, avec leurs yeux, avec leur souffle, ils arrivaient à guérir la majorité des maladies. Ils ont réussi, en présence de Marie, à féconder un ovule de Marie, simplement par le biais de leur énergie. Donc, il n'y a pas eu de contact physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la secte essénienne, à cette époque, vivait une jonction entre un plan intelligent, donc un plan supramental, et un plan essénien. La race essénienne était la seule qui, à l'époque, était capable de supporter une dose relativement légère de contact supramental, ce qui leur a permis d'être manipulés de façon à arriver à cette jonction. Ils ont donc su engendrer un corps physique qui avait une probabilité neurologique, une probabilité d'évolution, de croissance suffisamment intéressante pour permettre à un esprit christique, c'est-à-dire à de l'intelligence supramentale, de pouvoir à un moment donné venir posséder ce corps de façon à s'en servir pour exprimer des choses. L'enfant qui est venu au monde à cette année était un enfant normal, sauf que les réincarnations pluralitaires qui le constituaient au niveau de l'âme étaient d'une vibration hautement évoluée pour la simple raison que le corps étant ce qui attire par le biais de la forme vitale ce qui va se réincarner dedans, si on a un corps pur, on aura automatiquement une âme pure. Vers l'âge de 12 ans, quelque chose est descendu sur le plan terrestre, de l'esprit, de l'énergie supramentale. C'est venu chatouiller la tête de cet enfant et ça lui a dit « Tu dois me laisser ton corps. » Alors évidemment, l'enfant n'a pas voulu, pas immédiatement, et on l'a instruit. On lui a expliqué pourquoi il devait laisser le corps. On lui a expliqué pourquoi il devait laisser le corps. Et à un moment donné, on lui a expliqué quel serait l'échange d'énergie. L'enfant avait mené la croissance du corps et seul un âme peut mener une croissance corporelle d'un homme vers un contact supramental. L'âme, donc, cet enfant avait mené la croissance du corps et à un moment donné, ce corps devait, pouvait être le réceptacle d'un esprit. Alors, à un moment donné, l'enfant n'a pas eu le choix plus qu'il faut et il a été expulsé de ce corps. Il a été placé dans le plan moronciel entre le monde de la mort et le monde de la vie. Et on lui a, et quand je dis on, je parle des esprits ou je parle de l'intelligence supramentale, on lui a donc expliqué qu'il n'aurait pas à vivre le cheminement évolutif, expérientiel de l'humanité, mais qu'un jour il devrait de toute façon se réincarner sur le contexte planétaire pour pouvoir accomplir une chose qu'il serait le seul à pouvoir accomplir. Et que pendant ce laps de temps, il n'aurait pas à vivre le monde de la mort, mais il n'aurait pas de corps non plus pour vivre le monde de la vie. Le Christ a donc pénétré le corps de cet enfant, et cet enfant est devenu le Christ. La lutte entre cet esprit, le Christ, et l'âme, l'enfant, a duré quelques 20 ans. 20 ans pour instruire l'âme, 20 ans pour créer une enveloppe séraphique suffisamment puissante pour ne pas être attiré par le monde de la mort, 20 ans pour induire dans le plan du monde morentiel de notre planète une vibration de lumière qui permettrait à cet enfant, à cette âme, de ne pas être attiré par la lumière du monde de la mort, 20 ans pour lui expliquer des choses, et par la suite, entre ce que l'enfant disait lorsqu'il parlait de son père et entre ce que l'esprit disait lorsqu'il disait « je suis », ces 20 ans ont passé. Lorsque le Christ a commencé à parler, lorsque le Nazaréen a commencé à parler, c'était de l'esprit qui parlait. Mais cet esprit avait dû expulser un homme d'un corps. Lorsque le Nazaréen a fait son évolution sur le plan terrestre, lorsque le Christ, donc lorsque l'esprit supramental par le biais du Nazaréen a vécu, elle a nécessairement été obligée de laisser un phénomène suffisamment puissant au niveau de la mémoire dans le contexte de notre planète pour permettre un jour à l'âme de l'enfant de pouvoir être réincarnée et pour surtout permettre à l'âme de l'enfant de ne jamais être attirée par le plan du monde de la mort. Donc, le Nazaréen devait laisser une trace d'intelligence dans le plan moronciel, c'est-à-dire laisser quelque chose d'autre qui aurait été initié par le Nazaréen. Le Nazaréen corporifié, cela va de soi, et qui aurait été initié par le Nazaréen dans le monde de la mort, dans le monde moranciel, dans le monde de la vie. C'est pourquoi le Nazaréen a, un jour, par le biais de Marie-Madeleine, eu lui-même des enfants. Et lorsque le Nazaréen, parce que l'on sait, lorsque Marie-Madeleine demande, lorsqu'elle approche du Nazaréen crucifié, le Romain lui demande si elle est de la famille, elle dit oui. Marie, la mère du Nazaréen, regarde Marie-Madeleine, et elle répond au Romain, oui, elle est de la famille. Effectivement, elle était de la famille. À un moment donné, le Nazaréen va donc rencontrer l'un de ses plus grands amis, ami par le sang comme ami par le feu, Lazare, et il va l'initier. Lazare va donc rester à l'échelle de la planète pendant quelques milliers d'années, disons près de 2000 ans, de façon à servir le plan de la Terre, de façon à pouvoir contrôler l'enfer, qui est les mondes qui sont intraterrestres. On a souvent parlé de ces habitants qui vivent au centre de la Terre. Il faut bien aussi comprendre que l'enfer fait partie de ce qui est du centre de la Terre jusqu'à la surface de notre planète. Alors Lazare a été le gestionnaire de ce centre de la Terre et du ciel, donc de ce qui est de la surface de la Terre à la limite de l'atmosphère terrestre, pour pouvoir gérer l'attraction de ces deux mondes de façon à ce que jamais l'âme de cet enfant ne soit attirée par l'un ou l'autre de ces mondes. À un moment donné, l'âme de l'enfant se réincarne, quelques 2000 ans plus tard. Et Lazare vient le voir à son tour pour lui dire, « Me laisses-tu le corps? » Parce que Lazare doit lui aussi se réincarner. Lazare est connu sous le nom du comte de Saint-Germain. Parce que lui aussi doit se réincarner. Alors l'enfant, une autre fois, dit non. On m'a déjà eu, je cherche ailleurs. Présentement, à l'échelle de la planète, il y a donc déjà cette incarnation de cet enfant et l'incarnation du comte de Saint-Germain. Les deux existent. Les deux sont corporifiés, donc réincarnés présentement, déjà quelques années. Je dis ceci pour la simple raison qu'à un moment donné, vous aurez affaire à l'un ou à l'autre des deux. Je dis ceci aussi pour informer l'astral que maintenant, ces choses sont faites. Les deux incarnations ont plus de 20 ans. Et les deux incarnations, présentement, ont les deux pieds au Québec. Le fait d'avoir passé plusieurs, 2000 ans dans le monde morantiel sans connaître le monde de la mort, permet à une âme de pouvoir avoir une vision mauditement énergétique de toute l'évolution de la planète, permet à une âme de pouvoir comprendre toute la mécanicité, même avant le contact supramental de toute cette phénoménologie de l'évolution, et permet à cette âme de rester intégralement pure, même si lorsqu'elle va s'incarner, elle devra être assujettie à un phénomène égoïque, parce que lorsque l'âme sera réincarnée, elle le sera en même temps qu'un phénomène du monde de la mort. Donc cette âme devra, par le biais de sa vie, purifier son corps, purifier son âme, pour pouvoir finir par redevenir ce qu'elle est, c'est-à-dire une âme totalement pure, qui a été pour la première fois incarnée il y a 2000 ans, et qui a été pour la deuxième fois incarnée en l'an 1900. Lazare peut maintenant être réincarné pour la simple raison que le gestionnaire des mondes de la mort et des mondes de la vie, que le gestionnaire de l'enfer et le gestionnaire du ciel, n'a plus sa raison fondamentale d'être. J'ai déjà expliqué de quelle façon, à un moment donné, le comte de Saint-Germain avait instauré une école du mal et une école du bien, une école de l'involution et une école de l'évolution, parce que lorsque l'on dirige le bien et le mal, on dirige tout. Pour ceux qui n'étaient pas là, je réexplique brièvement qu'à un moment donné, le comte de Saint-Germain avait un petit village à lui. Ce village porte le nom de Planète Terre. Et d'un côté de la rue, il avait fait construire un bordel, et de l'autre côté de la rue, il avait fait construire une église. Et il faisait de la publicité dans l'église pour inviter les gens au bordel, et il faisait de la publicité dans le bordel pour inviter les gens à l'église. Lorsqu'il avait l'intention, ou lorsqu'il trouvait que les humains devaient apprendre un peu plus, il diminuait la publicité de l'église pour accentuer la publicité du bordel. Alors, les gens allaient se prostituer. Lorsqu'il trouvait que cela était suffisant, il diminuait la publicité des bordels et augmentait celle de l'église. Alors, les gens retournaient à l'église. Lorsque l'on contrôle le froid et le chaud, on contrôle tout. Sauf que maintenant, la gestion par le comte de Saint-Germain de cette mécanicité approche de sa fin. Le comte de Saint-Germain a d'autres fonctions qui doivent rester, disons, secrètes au niveau de l'astral, donc fonctions sur lesquelles je ne peux parler, pour ne pas instruire celui-ci. Mais présentement, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se créer de s'accomplir, c'est qu'il y a un être humain sur le plan de la planète, entre autres, ce n'est pas le Christ qui se réincarne, je dis bien qu'il y a un être humain, entre autres, qui devra accomplir une chose, il y a d'autres êtres humains très limités au niveau du plan majeur qui devront accomplir d'autres choses. Donc, il y a un être humain présentement qui est en train de travailler, de cheminer sur le remplacement méthodique du comte de Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui présentement est en train de s'accomplir pour pouvoir finalement avoir le contrôle total du monde de la mort, du monde de la vie et la gestion de l'enfer et la gestion du ciel. Cet individu est cet enfant qui est réincarné. Lorsque ces choses s'accomplissent, une vibration au niveau de l'ego des individus qui vivent sur le même territoire que ces individus, une vibration peut leur permettre de reconnaître ces individus. La reconnaissance émotive de ces individus est un danger. La reconnaissance anémotive de ces individus est un danger. On ne peut pas reconnaître ces individus à partir du contexte émotif ou du contexte mental. Ces individus ne peuvent être reconnus que par le contexte supramental. Le contexte supramental reconnaît par l'homme l'homme. Et la reconnaissance par l'homme se fait automatiquement et par le cœur et par l'intellect ou l'intelligence mentale. Cela veut dire qu'on ne peut reconnaître ces personnages que si on a une vibration et émotive et mentale en même temps. Sinon, sachez que vous n'êtes pas prêt à les reconnaître ou que ce que vous reconnaissez n'est pas ce qui doit être reconnu. La gestion du monde de la vie par cet individu va permettre à plusieurs humains qui auront à un moment donné suffisamment de conscientisation mentale et pour pouvoir dominer leur impatience égoïque, de façon à commencer à entreprendre chez eux une mutation d'ordre vital qui pourrait leur permettre de compenser le manque à gagner au niveau de leur naissance. Cela veut simplement dire que la majorité de l'évolution de l'homme se fait de deux façons. Premièrement, l'instruction de l'ego, pour que l'ego finisse par croire avoir la foi, et pour que l'ego ayant la foi libère les potentiels mentaux, de façon à ce que le mental puisse maintenant passer par la deuxième phase de l'évolution, celle de la gestion des énergies vitales, pour pouvoir, par certaines techniques, transformer la génétique corporelle de façon à engendrer un corps physique qui, s'il ne l'a pas été par la génétique des parents à la naissance, le sera par la génétique mutatoire ou automutatoire de l'évolution de l'individu. Cela veut dire que chacun d'entre vous, dans votre tête, ainsi que dans votre cœur, pour parler de l'émotion, vous avez le privilège et la possibilité de vous remettre au monde. Vous pouvez régénérer votre corps, vous pouvez restructurer génétiquement votre corps et vous pouvez créer un corps qui n'a pas de résonance particulière avec l'enfant qui est venu au monde il y a de cela quelques années. Sauf qu'on ne peut pas procéder par l'astral, on ne doit procéder que par le mental. Mais on ne peut procéder que par le mental que si l'on a d'abord procédé par l'astral. L'homme ne peut pas évoluer s'il n'a pas la foi dans l'évolution. L'homme ne peut pas évoluer s'il n'a pas la croyance dans un résultat de l'évolution. L'homme ne peut pas évoluer s'il ne croit pas qu'il peut évoluer. Et l'homme ne peut pas évoluer s'il rejette émotivement toute condition de croyance ou de foi. La foi ne doit pas être aveugle, la foi doit être intelligente. Lorsque l'homme est capable de comprendre l'intelligence de la croyance et de la foi, il entre dans une ère nouvelle, celle d'une religion mentale, où il sera, où il pourra être, son seul gestionnaire, sinon son propre Dieu. Vous devez conscientiser, cellulariser le fait que vous êtes deux, que vous êtes et ce que l'antique religion appelle le Fils, et le Père. Le Père peut vous remettre au monde. Le Fils doit laisser au Père la possibilité de le faire. Alors, si le Fils ne croit pas au Père, le Père ne pourra être exprimé. Si votre cœur ne croit pas à votre tête, le cœur restera le maître contrôleur à bord. Vous êtes deux, et vous resterez deux jusqu'à l'heure de votre fusion. Vous resterez deux. Vous ne serez pas plus que deux, mais deux. L'ajusteur de pensée n'est pas un troisième phénomène. L'ajusteur de pensée fait partie de la tête. Il y a le contexte planétaire, le contexte de l'âme, le contexte de la mémoire expérientielle. Mémoire expérientielle inclut la génétique physique, la génétique vitale, c'est de l'expérience qui permet l'amélioration des corps et leur transmission. Ça inclut votre astral psychologique et ça inclut votre sphère mentale. Lorsque je parle de la tête, lorsque je parle du Père, lorsque je parle de l'esprit, lorsque je parle du deux, je fais référence à tout ce qui n'est pas planétaire, donc à tout ce qui est extraplanétaire. Tout ce qui n'est pas expérientiel, mais qui n'est qu'existentiel. On n'a pas à l'expérimenter pour en connaître l'existence. On est existentiel. Cela est exprimé sans jamais être connu. Vous êtes deux et vous resterez deux jusqu'à l'heure de votre fusion. L'évolution de l'homme se fait par deux mécanismes. Celui qui se fera au niveau supramental et celui qui se fera au niveau astral. La densification égoïque, le foyer central de la gestion du premier, donc de l'homme, donc du monde de la Terre, elle est située au cœur de votre âme et c'est l'ego. La densification majeure des contextes extraterrestres est une densification qui ne pourra être connue que lorsque vous aurez un double éthérique. Et le double éthérique deviendra lentement le foyer d'identification et d'expression de ce deux. On sait que par les techniques tragales du programme être contrôleur, techniques qui sont, disons, induites en PMC5, l'être humain apprend à se plier devant son Dieu. L'être humain apprend à se plier devant son esprit. L'ego apprend à se plier devant le double éthérique. Alors, fondamentalement, cosmiquement, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Père. Il n'y a pas de Fils. Du point de vue cosmique. Du point de vue de l'homme, il est encore sécuritaire pour l'ego de comprendre le phénomène du Père et du Fils. Mais il doit être compris mentalement avant d'être compris émotivement. Parce que s'il est compris émotivement, l'ego va demander au Père. On ne demande pas au Père. Tout ce que votre esprit perçoit que vous avez besoin, elle vous le donne. Lorsque l'ego demande, il demande pour rien. Tout ce qui lui était nécessaire lui a déjà été donné. Et ce qui ne lui est pas nécessaire ne lui sera pas donné. La fusion, c'est un contact intime, alliant à jamais l'homme planétaire et l'homme extraplanétaire, le Père et le Fils, la tête et le cœur. Alors, vous devez maintenant commencer à comprendre l'intelligence d'une religion mentale. La religion mentale ne sera pas et ne sera jamais une religion collective. Religion synonyme de relier. Vous devez comprendre mentalement et instruire votre ego d'un cheminement qui permettra à celui-ci de se relier à l'autre. La prière, telle qu'elle est convenue à l'échelle archétypale de l'homme ancien, ne relie pas. Elle relie l'homme au monde de la mort, mais elle ne relie pas l'homme à lui-même. La prononciation du maître est un rituel identique au phénomène de la prière, mais qui permet de relier l'homme à un phénomène astral mental. Cela permet donc à l'homme d'avoir accès à un réservoir mental plutôt qu'avoir accès à un réservoir astral, ce qui permettra au mental d'être suffisamment dynamisé pour qu'un jour le mental puisse commencer à instruire l'ego de cette religion mentale. Lorsque l'astral est instruit de la probabilité de l'intelligence de la religion mentale, alors là et uniquement là, tous les petits qui sont cachés chez vous vont commencer à accepter le fait qu'un jour, vous serez quelque chose de très grand. Qu'un jour, vous serez quelque chose qui ne peut pas être présentement défini autrement que par certains concepts de termes comme Dieu. Si vous ne croyez pas à l'évolution améliorative de l'homme, c'est que votre ego n'a pas été suffisamment instruit. Si vous ne croyez pas qu'un jour l'homme devra traverser la matière, c'est que votre ego n'a pas été suffisamment instruit. Si vous ne croyez pas qu'un jour l'homme guérira et ne sera plus malade, c'est que votre ego n'a pas été suffisamment instruit. Si vous ne croyez pas en l'immortalité de l'homme, c'est que votre ego manque d'instruction. Si vous ne croyez pas en la possibilité qu'aura l'homme nouveau de créer les choses neuves dans la matière, c'est que vous avez manqué d'instruction. Alors, lorsque je parle du premier palier d'évolution, c'est celui de l'instruction de l'ego. Lorsque je dis des choses, je parle souvent pour instruire l'astral. Vous devez instruire votre ego. Les conférences du vendredi sont des conférences qui ont un caractère instructif pour l'ego. Ce ne sont pas des conférences exclusivement pour les personnes qui sont nouvelles. Ce sont des conférences qui servent à instruire le monde de l'astral et votre ego. Ah oui, mais ça, j'ai déjà entendu dire, tu manques d'énergie. On doit le répéter. Le mental peut avoir saisi, mais est-ce que de temps en temps, vous vous servez de ce que le mental a saisi pour instruire l'ego? Je le sais que l'homme va y arriver, mais on dirait que moi, j'ai pas le. Votre ego est insuffisamment instruit. L'instruction de l'ego ne se révèle que par la foi. Un homme égoïque ne peut pas dire qu'il ne croit pas, qu'il sait. C'est le mental qui parle ou le contexte supramental. Mais il y a beaucoup de gens parmi vous qui savaient des choses et qui n'arrivaient pas à les mettre en pratique parce que votre ego est insuffisamment instruit. Il n'y croit pas. Il n'a pas la foi. Il ne l'a pas. Et cette foi, elle peut se développer spirituellement par la prière, mais elle doit se développer mentalement chez vous par l'instruction compréhensive et comprise de votre mental sur l'ego. Pas autrement. Je veux dire que vous ne devez pas instruire votre ego par l'énergisation émotive des choses, mais qu'on doit instruire son ego des probabilités et des possibilités que vous aurez, ou que vous avez déjà là, mais que vous préférez vous asseoir dessus, par le biais du mental. Les conférences du mois servent à instruire l'ego. Le court programme être contrôleur sert à préparer génétiquement votre renaissance. Elle amène au contact avec l'ajusteur de pensée et au contact avec le plan supramental. Mais cela sert à préparer votre renaissance. Et par le biais de la renaissance, lorsque vous aurez un corps physique suffisamment orchestré, et vous aurez contact avec un ajusteur de pensée, et qu'automatiquement vous le digérerez pour avoir un contact avec votre esprit, vous serez deux consciemment. Vous êtes deux inconsciemment. Vous êtes tellement inconsciemment deux que la majorité d'entre vous, vous ne savez pas faire la différence entre un contact supramental et un contact de l'ordre de l'ego. Un contact astral. Une manipulation. On n'a pas le goût. Le discernement. Pas encore. Parce que votre ego manque d'instruction. Il y a des gens qui font le PMC. Vous devez comprendre que le PMC n'est pas de l'instruction d'ego. Oui, très peu. C'est une technicalité. Ce sont des techniques qui permettent premièrement d'humiliser votre ego par la répétition et par la longueur du programme de contrôleur. Ce sont des techniques qui vous permettent de pouvoir, même si votre ego n'a pas la connaissance ou la croyance, pouvoir travailler sur votre contexte vital de façon à régénérer votre corps physique, de façon aussi à le muter, à lui permettre une naissance comme cela aurait été brillant et intelligent qu'il est lorsqu'il est venu au monde. On a des personnes dans le PMC qui ont su suffisamment percevoir et conscientiser le plan vital pour avoir des guérisons miraculeuses. Il y en a. Ça ne sert à rien de demander à ceux-là de lever la main. C'est inutile. Ça énergiserait spirituellement votre ego. Comprendre la mécanicité des plans vitaux. Certains ont de la difficulté à fonctionner. Manque d'instruction de l'ego. L'instruction de l'ego se fait par le biais du mental qui comprend une chose et qui la répète et répète et répète continuellement à l'ego de façon à ce que les mémoires génétiques de l'ego finissent par être sublimées par celle que le mental va lui donner, de façon à ce que les mémoires anciennes laissent leur place aux mémoires neuves, de façon à ce qu'aux archétypes qui vous habitent et constituent votre âme laissent place aux néotypes que votre mental va lui amener. Vous n'avez pas nécessairement le temps de passer des heures à répéter à votre ego. Mais il y a une méthode facile. Le positivisme, c'est un peu le même phénomène. On se répète toujours la même connerie, alors on finit par y croire. Quand on y croit, ça commence à marcher. Mais à un moment donné, on se rend compte pareil que la réalité bifurque. Et parce que ce n'était pas une instruction mentale, intelligente, l'ego peut retomber en crise. Les conférences qui sont organisées, les conférences que je donne, sont de l'instruction pour l'ego. Ce n'est pas de l'instruction pour un nouveau, c'est de l'instruction pour de l'ego. Vous devez finir par ne plus jamais douter de vos capacités. Vous devez finir par vibrer et raisonner au niveau de l'ego, émotivement, suffisamment puissamment, pour que votre mental reste maintenant tout à fait libre de faire les choses qu'il doit faire. Alors, un jour, je dis à quelqu'un, on va parler mentalement. Tu vas t'asseoir et tu vas faire telle chose. Je peux pas, ça ne marche pas. Manque d'instruction de l'ego. Vous devez constater que vous ne pouvez pas le faire et vous devez toujours vibrer que vous êtes capable d'y arriver. Demande de l'instruction au niveau de l'ego. La répétition de même principe sous d'autres mots, avec une dose d'énergie suffisamment puissante pour que l'archétype tombe, remplacé par le néotype. Ça reste de la croyance, mais vous devez la laisser dans le derrière de votre ego. Vous ne devez pas croire en l'homme nouveau spirituellement. Mais si vous ne croyez pas en l'homme nouveau, vous ne pourrez pas avancer. Votre ego va vous en empêcher. Si vous ne croyez pas que vous pouvez jeûner, même si mentalement vous envoyez l'intelligence, vous n'irez pas jeûner. Si vous voyez mentalement l'intelligence du jeûne et que vous finissez par faire croire à votre ego que ça va marcher, parce que la compréhension de l'ego, ça se communique par la foi et la croyance. Si l'ego y croit, puis vous envoyez l'intelligence, vous allez jeûner. Si Legault croit que vous pouvez arrêter de fumer et que vous envoyez l'intelligence, vous allez arrêter de fumer. Sans souffrance et sans problème. Mais la majorité des humains sont à la fois impatients et trop patients. Patients à long terme, impatients à court terme. L'énergie vitale, c'est de l'énergie intelligente, terrestrifiée. L'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale, terrestrifiée. L'intelligence du plan vital est une intelligence suffisamment lumineuse, claire, consciente, pour pouvoir restaurer intégralement votre condition physique. Et pour faire beaucoup plus que ça. L'énergie vitale est conditionnelle. L'OBI. Quel que soit l'ordre qui lui est donné, elle n'a pas le choix, elle obéit. Si vous avez un contexte mental qui donne un ordre, et si cet ordre est traduit par le plan astral, vous aurez un résultat qui ne sera pas nécessairement le résultat du plan mental. De cette façon, vous devez instruire votre ego, pratiquer certaines techniques et les répéter souvent. L'ego finit par croire. Quand l'ego croit, l'ego laisse le mental. Quand le mental est libre, ce que l'ego croit devient réalité, parce que le mental est libre. Je demande de temps en temps à certaines personnes, est-ce que vous percevez l'énergie vitale sur votre corps? On me répond... Ben, je le sais pas. Peut-être que oui, là, je suis pas sûr que c'est ça. Manque d'instruction. Alors, je demande, est-ce que tu es là? On me répond, ben oui. L'ego croit être là. Physiquement, scientifiquement, on sait très bien que c'est faux. Mais si l'ego croit être là, le mental va être libre de pouvoir se servir de la condition expérientielle de la croyance de l'ego. Mais si la personne me dit, ben, je suis pas sûr non plus, tout ce qui va se passer dans la pièce, tout ce qu'on va dire, ça ne pourra pas servir à rien parce que l'ego ne pourra même pas penser qu'elle l'a entendu. Elle ne sera pas sûre de l'avoir entendu. Si l'ego dit oui, je suis sûr, tout le reste va avoir une raison intelligente. Hein? Sens-tu l'énergie vitale sur ton corps? Si tu ne sens rien, non. Si tu penses sentir quelque chose, oui. Et là, je peux continuer. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens ceci, cela, cela. Je peux dire... Ce n'est pas de l'énergie vitale, c'est autre chose. Ou je peux dire, c'est de l'énergie vitale. Mais si on me répond, ben, je ne suis pas sûr, je pense que oui. Demandez-moi pas de passer plus de temps avec vous autres au niveau des cours. Parce que ce que vous avez besoin, c'est de l'instruction des cours. Cette instruction, je la donne tous les vendredis, tous les dimanches. Une fois par mois et tous les vendredis soirs. Je ne suis pas un être humain qui devra perdre du temps énergétique à faire quelque chose quand je le fais déjà et quand c'est accessible. Il y a des personnes qui présentement ont eu des phénomènes, disons, de réorchestration physique. Et demandez à ces personnes qu'est-ce qu'elles viennent foutre un vendredi soir en conférence et elles vont vous répondre. Je considère toujours que c'est très, très important. Et c'est ceux-là qui, lorsque je leur demande, « Es-tu capable de penser grand? » Répondent oui. « Penses-tu que l'homme peut traverser les murs? » Répondent oui. Je lui demande, « Est-ce que tu peux traverser les murs? » Ils me répondent non. Puis tu me dis que l'homme, un jour, va pouvoir traverser les murs. Ils me répondent oui. Son ego est instruit suffisamment pour que, justement, il n'y ait pas de limitation de cette façon. Êtes-vous capable d'arriver en dedans de 3 ans à un contact supramental? Ben oui! Sauf si votre ego dit non! Êtes-vous capable d'arriver à ne plus être manipulable? Oui! Sauf si votre ego dit non! L'ego, il veut, mais il croit pas. De quelle façon va-t-il finir par y croire? Il ne peut pas l'apprendre, il ne peut pas le comprendre. Il ne peut qu'y croire. Ce n'est pas en lisant des livres qu'on va arriver à y croire. Vous devez mentalement vous instruire. Les axiomes PMC sont des axiomes qui instruisent l'ego. Énergisent le mental et instruisent l'ego. L'homme doit être son seul maître. Présentement, tu ne l'es pas. Et c'est une chose qui est une équation sine qua non. L'inaction, ça ne peut pas être mise en question. Pas par le plan mental. Par le plan supramental, oui. Quand vous en serez rendu là, vous remettrez les actions en question. Pour l'instant, non. L'homme doit être aussi puissant qu'il a besoin de l'être. Ça va de soi. Même quand on est faible, ça va de soi! Vous voulez, parce que votre ego aussi y croit pas. Il libérera pas le mental. Exactement comme si votre ego croit pas que vous pouvez voir. Il libérera jamais les mécanismes vitaux qui pourront permettre d'ouvrir les paupières. Alors évidemment, vous ne verrez pas. Et l'ego pourra dire, ben j'ai raison, vous voyez, je vois pas. L'ego doit commencer par y croire. Et lentement, il libérera les mécanismes qui vont pouvoir permettre d'agir. Le danger de la croyance spirituelle comparativement à la croyance réglée par le mental, vous allez croire qu'à des choses qui sont possibles. Parce que si le mental envoie l'intelligence, la chose, elle est réelle. Mais si l'ego n'y croit pas, oubliez. Alors, vous faites un cheminement qui est graduel, qui est suffisamment évolutif, pour que vous ayez un mental suffisamment correct. Et vous manquez d'instructions au niveau de votre ego. J'ai déjà expliqué en conférence régulière que l'être humain qui évolue est une grosse partie d'astral. Que cet astral qui évolue est divisé en une partie spirituelle et une partie basse. Que la partie hautement spirituelle est la partie la plus reliée aux archétypes spirituels, théologiques. La partie basse, au phénomène qu'on appelle animal. Mais c'est pas animal, c'est humain. Lorsque vous avez commencé votre conscientisation, vous avez commencé par détruire la partie haute spirituelle. C'était la partie qui vous permettait de communiquer avec le bas. Alors, vous avez du mental, vous avez perdu la partie qui vous permet de communiquer, puis vous reste le bas. Alors, vous êtes malade. Alors vous chiolez, alors vous avez des problèmes d'évolution, alors vous manquez de pep, alors vous êtes fatigué, alors vous ne comprenez plus, alors vous voulez venir perdre la motivation, alors vous ne savez plus. Vous avez coupé la partie du contact qui vous permettait de gérer les parties basses de chez vous. C'est pourquoi on va dire, merde, plus on se conscientise, plus on mange de la marde. Ben, c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, on doit mettre fin à ce phénomène. L'évolution, ça doit être facile. Le mental doit instruire l'ego. Remplacez la partie qui manque, la partie spirituelle de vos croyances, par une partie mentale de croyances. En bas, ça s'appelle Satan. Ça a besoin des dieux. Coupez-y le dieu, Satan va s'exprimer par vous. Vous allez être malade, colérique, impatient. Vous allez être ceci, vous allez être cela. Et plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez exprimer apparemment l'inverse. Allez vous rechercher. Vous ne saurez plus quoi faire dans la vie. Vous allez être un paquet de choses. Remplacez la partie que vous avez dû détruire, qui était essentielle à détruire, par ce que maintenant vous allez y mettre. Vous restez vos seuls maîtres, même dans cette religion, où vous êtes le prêtre, le Dieu à rejoindre et l'homme qui veut prier. Instruire son ego. Rentrez ça là, puis faites-le là. Instruisez votre ego, que vous devez instruire votre ego. Conférences régulières ne servent à rien d'autre que l'instruction de l'ego. L'instruction de l'ego permet la libération de tout le potentiel mental de l'homme. La vibration qui est dégagée lorsque je parle est une vibration qui, outre l'instruction de l'ego, énergise le plan mental et oblige chez ceux qui n'ont pas suffisamment d'énergie mentale appuyer dans leur plan physique de façon à avoir une même connotation mentale que celle qui est nécessaire pour arriver à comprendre la vibration de ce que je dis. Et ces personnes seront fatiguées et épuisées après, parce qu'ils auront puisé leur corps physique vital l'énergie qui leur manquait. Et à un moment donné, s'ils instruisent suffisamment leur ego, elles ne seront plus épuisées. Les choses qui se passent présentement, 1987, 88, 89, 90, sachez que, premièrement, en 1987, ce qui vous a motivé un jour à venir me voir ou aller voir un autre va quintupler en 1987. À partir de novembre 86, j'en ai parlé. Au PMC+, j'en ai parlé. Les résultats se font sentir, évidemment, depuis novembre. Au niveau du centre de l'universalité, comme au niveau de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier arrivé n'est pas le premier à passer. Ça veut dire que celui qui a suffisamment d'énergie, et les conférences sont là pour mettre de l'énergie, hein? Vous allez sortir d'ici énergisé. Celui qui a suffisamment d'énergie, pour ne pas attendre que la grande vague vienne le pousser. Celui qui a suffisamment d'énergie pour se prendre en main et faire le travail qu'il doit faire pour lui. Celui-là n'aura jamais l'impression qu'un jour il va être inondé par la vague. Quand le centre de l'universalité a ouvert ses portes, en novembre 83, c'était tout croche. Plancher de ciment, des murs de briques, quelques chaises sur le ciment, petite conférence, 80 personnes. Quand le centre de l'universalité a inauguré officiellement son ouverture en janvier 84, les 80 personnes ont quasiment tout disparu dans la foule. Pour la simple raison que près de 250 personnes sont passées cette semaine-là et les 80 personnes ont eu l'impression que leur centre ne leur appartenait maintenant plus. Ils étaient dilués dans la vague et ils ont lâché. Vous êtes un certain nombre. Et ça va grossir d'une façon effarante. Vous ne devez pas vous faire pousser dans le dos par la vague, mais vous devez faire ce que vous devez faire parce qu'attendez-vous pas à ce que nous considérions les premiers arrivés comme les plus importants. Considérons celui qui énergétiquement a une valeur à la valeur de cette énergie et non pas à la valeur temporelle de l'apparition de cette personne. Les choses qui se font, vous voulez avancer, vous poussez, ça marche. Vous attendez qu'on vous pousse. D'autres vont venir, ils voudront avancer et c'est avec eux qu'on va marcher. Les techniques sont à pratiquer. L'instruction de l'ego est quelque chose que vous avez entre vos mains. Le contact supramental vous échappe encore. Vous allez l'avoir d'ici peu. Mais on doit commencer par l'instruction de l'ego, par le biais du mental. Ce que vous faites déjà en PMC, ce que vous faites déjà en conférence. Mais vous devez faire ce qui doit être fait. Et ça, c'est entre vos mains, l'instruction de l'ego. Vous savez comment faire certaines choses. Vous allez poser des questions pendant l'entracte. J'aurai quelqu'un pour les lire. On se repose un petit peu.